La fille du maître canonnier, Gabrielle de la Landelle. Vers la fin du mois d'août 1789, le vaisseau de transport anglais, le Guardian, partit de Plymouth pour Botany Bay avec un nombreux chargement de déportés destinés à la colonisation de la Nouvelle-Hollande. Les deux premiers mois de navigation s'écoulèrent sans incident. Mais à la hauteur du cap de Bonne-Espérance, le bâtiment, accueilli par un violent coup de vent, se vit forcé de fuir à sec de toile pendant 15 jours entiers. Lorsqu'enfin la tourmente, en s'apaisant, permit de rétablir la voilure, il se trouvait jeté loin de sa route et porté dans les mers brumeuses qui avoisinent la zone glaciale. Une brise de sud favorable se faisait sentir et le Guardian, dont les agrès avaient été réparés le matin même, commençait à filer rapidement en bonne direction quand le capitaine monta sur le pont. Il examina attentivement l'état du ciel et de la mer, parut satisfait du résultat de ses observations, et adressant familièrement la parole à un jeune passager placé près de lui, « Eh bien, Lord Falton, lui dit-il, que pensez-vous maintenant de notre incomparable métier ?» L'interlocuteur du capitaine Butler s'était depuis longtemps posé en admirateur passionné des émotions maritimes. Fils d'un ancien commodore, il regrettait amèrement de n'avoir pu embrasser la carrière héréditaire de sa famille. Son caractère impétueux avait pris une autre direction. Il s'était lancé dans toutes les folies que facilite et qu'autorise en quelque sorte une grande fortune. Ruiné maintenant, on l'envoyait à Botany Bay à la sollicitation de parents puissants. La conversation du capitaine et du passager, d'abord resserrée dans les bornes d'une politesse amicale, dégénéra par hasard en discussion et devint bientôt épigrammatique. Butler avait été brusque, Lord Falton mordant. Le marin s'emporta, mais une rumeur confuse partie des profondeurs du navire détourna tout à coup leur attention. On vit alors surgir du panneau d'avant un petit homme à l'apparence chétive, traînant par la cravate de grands matelots taillés en Hercule, qui marchait avec la résignation de ces bœufs qu'un enfant ramène à l'étable. Notre nouveau personnage était maître Peter Smith, canonnier en chef et préfet de police à bord du Guardian. Il venait de surprendre en flagrant délit de l'esconsigne une grande partie de l'équipage. Les matelots attirés dans le poste des déportés par les récits de la vieille Katy Flay avaient franchi la barrière de toile à voile à la faveur de l'obscurité et le vigilant protecteur de la morale publique n'avait pu saisir que deux des coupables. Sa voix tremblait de colère. « Bien, très bien. C'est Gaspard et Tom Hill. » dit-il en lâchant ses prisonniers dès qu'il les eut reconnus. « Suivez-moi sur le gaillard d'arrière et soyez calme, on vous soignera. » Le lieutenant de service allait, selon l'usage, connaître de l'affaire, mais le capitaine s'en chargea d'autorité. Il était l'heure de régler le service de nuit. L'on profita du long crépuscule des climats antarctiques pour faire distribuer leur hamac aux convicts des deux sexes et aux matelots. Il resta sur le pont que les gens destinés à veiller jusqu'à minuit. Les sentinelles furent aussitôt nommées à tour de rôle par les bas officiers, et lorsque la cloche du bord sonna 8 heures, le cri ordinaire « All's well » partit de la poupe. Successivement répété par les factionnaires de tribord et de bâbord, il le fut pour la dernière fois par l'homme placé devant pour observer à l'extérieur les voiles ou les dangers qui pourraient se rencontrer sur la route. Mais les fonctions de ce dernier étaient d'une complète inutilité. L'œil le plus exercé n'aurait pu percer à une longueur de navire le brouillard compact qui enveloppait le Guardian. Aussi, après avoir répondu à ses camarades, l'homme de Bossoir se drapa dans sa grossière capote, s'accroupit à l'abri du vent et se laissa aller à ses rêveries sans plus s'inquiéter de sa faction que s'il eût été tranquillement accoudé sur une des tables de Mrs. Brown, son hôtesse de Plymouth. Cependant, le capitaine, assis sur la dunette, s'amusait à interroger les deux matelots dont le délit n'était pas aussi grave à ses yeux qu'à ceux du maître canonnier. « Comment se fait-il que vous vous soyez permis d'enfreindre la consigne qui défend de pénétrer dans le poste des femmes ?»« Dame, commandant, nous n'avions jamais pensé que cette vieille guenon de Katy Flay pût compter pour une femme. Et il paraît que le soldat de garde pensait de même, car il ne nous a pas dit de nous en aller. » « Sans ça, commandant, je vous assure que nous ne serions pas restés. Demandez plutôt à Tom Mill. »« C'est vrai, commandant, » poursuivit Tom Mill. « C'est vrai, comme dit Gaspard. Je ne pourrais jamais croire que ce soit une femme. C'est plutôt le diable, et il faut le dire, elle nous contait des histoires de damnation à faire peur à Saint-Georges en personne. Nous ne savions pas que c'était défendu de l'écouter. Et vous ne saviez pas non plus, c'est qu'un maître Smith, qui ne put se contenir plus longtemps, vous ne saviez pas qu'il ne faut pas prendre un canon pour une bergère. Voyez, commandant, il a encore son pantalon plein de noir pour s'être frotté contre ma troisième pièce de tribord. Voici 5 fois que je la fais peindre depuis notre départ d'Angleterre. Votre observation est par trop juste, mon vieux Smith, dit le capitaine en souriant. Vous les ferez mettre au fer jusqu'à demain matin. Les délinquants, enchantés de n'être quitte à si bon compte, remercièrent en s'en allant. Mais le maître se retira en murmurant contre la légèreté de la peine et douloureusement affecté des accidents toujours renaissants qui ternissaient l'éclat de ses chers canons. Smith, ajouta le capitaine, quand vous aurez terminé, vous viendrez me trouver dans ma chambre. Oui, commandant, répondit le maître canonnier. Lord Falton, appuyé contre le mât d'Artimon, avait suivi de l'œil toute cette scène, jetant de temps à autre un regard d'impatience vers l'escalier de derrière, comme s'il eût attendu quelqu'un. Enfin, une jeune fille, enveloppée dans une vaste cape brune, monta légèrement et d'un pas assuré, malgré le roulis qui balançait le navire. « Bonsoir, parrain, » dit-elle au capitaine en passant. « Il fait bien froid, Betty, pour venir sur le pont si tard. L'air de la cabine de mon père est étouffant, et il est encore de bien bonne heure pour se coucher. Quand tu redescendras, mon enfant, entre dans ma chambre. Smith y sera avec moi. Je n'y manquerai pas, » dit Betty, en acceptant le bras de Lord Falton, qui s'est avancé jusqu'auprès du panneau. « Eh bien, jeune homme, me tenez-vous encore rancune d'une misérable boutade ?» demanda brusquement le capitaine Butler. « Un marin anglais ne se couche pas sans avoir fait la paix avec ses amis. Topez-la, et remerciez-moi maintenant de laisser notre perle sous votre sauvegarde. » Lord Falton répondit en serrant cordialement la main qu'on lui offrait. Le capitaine, après avoir donné quelques ordres à l'officier de quart, examina une dernière fois l'état du ciel et la voilure, et abandonna le pont. « Enfin, Betty, enfin !» dit le passager. « Je vous ai attendu impatiemment aujourd'hui. J'étais ici, l'œil constamment fixé sur le panneau, espérant à chaque instant que vous paraîtriez. Je vous ai à peine entrevu depuis 15 jours. Je ne pouvais monter à mon gré. Mon père ne me l'a point permis pendant ces gros temps. Ce n'était donc pas votre volonté seule qui vous retenait en bas? Ma volonté, mon Dieu, non! Je serais venu comme tous les jours respirer un air plus pur. Que m'importe les coups de vent à moi? Ne suis-je pas un enfant de la mer? Vous le savez, mes pieds ont à peine touché la terre ferme. J'ai été bercé par les flots et longtemps mes jeux ont été de grimper dans les mâts comme les mousses dont je portais le costume. Le cœur de la marimba sont encorsés, je ne puis me faire à la pensée de vivre à jamais dans une maison comme m'en menacent depuis quelque temps mon père et mon parrain. « Noble jeune fille, murmura Lord Falton, vous auriez donc un sort pareil au mien. Je rêvais la mer, on me l'a refusée. Je voulais la gloire, on m'a donné la richesse, et la richesse est dissipée. Et maintenant on me relègue aux extrémités du monde, dans une contrée encore sauvage. Oh, si j'avais un cotre, une chaloupe, un canot seulement, eh bien, j'aurai bientôt un navire et je te l'offrirai. Ma Betty, tu y serais la reine. La chambre du commandant serait ta cabine. Tu présiderais aux manœuvres comme une fée. Tu serais mon ange sur les mers à jamais. Tu l'accepterais, n'est-ce pas? Oh, réponds, je t'en supplie. » Lord Falton avait doucement passé son bras autour de la taille élancée de la confiante jeune fille et cherchait à lire dans ses regards. Mais le brouillard était opaque. Pas une étoile ne brillait au ciel. La nuit servait de voile à la rougeur répandue sur le front de Betty, seulement son cœur battait avec violence et sa main frémissait dans celle de son amant. « C'est ce que j'avais rêvé, » balbutia-t-elle après un long silence. Un profond soupir, expression du bonheur, s'exhala de la poitrine de Lord Falton et sans prononcer une parole, ils parcoururent 3 fois la distance qui sépare le mât d'Artimon du grand mât. « My lord, » dit enfin timidement la candide promeneuse, « apprenez-moi donc ce que c'est que la terre. Racontez-moi votre vie. Comment avez-vous pu exister jusqu'à présent? Moi, je ne sais rien, voyez-vous. Je suis une pauvre fille élevée par des marins. Personne à bord n'a jamais voulu répondre à mes questions. Les passagères elles-mêmes se font un jeu de ma curiosité. Je suis jalouse d'entendre parler de ce monde où vous avez tant vécu, à ce que dit mon père. Apprenez-moi ce que c'est que le bal qu'on m'a inventé si souvent. » Cela ressemble-t-il aux rondes de nos matelots? Ne riez pas, je vous en prie. Répondez-moi, Lord Falton. Je vous ai bien répondu, moi, ajouta-t-elle en hésitant. En ce moment, la cloche sonna 9 heures. « All's well !» retentit de nouveau à l'arrière et au flanc du vaisseau. Mais le factionnaire du Beaussoir, dont rien ne stimulait la vigilance, était profondément endormi à son poste et ne répéta pas le cri de veille. Cette négligence n'échappa point à l'officier de service. « Maître de quart, faites remplacer ce paresseux qui dort à l'avant et qu'on l'amarre en croix dans les haubans de misaine jusqu'à minuit !» L'ordre sévère du lieutenant fut ponctuellement exécuté. Les gens de quart se promenaient en groupe serré, frappant du pied et se pressant les uns contre les autres, car la brise devenait de plus en plus froide, comme à l'approche des terres pendant l'hiver. « Godam !» s'écria un matelot. « Par ce temps-ci, quand le camarade descendra de là-haut, il sera aussi raide qu'un sentry au port d'armes. » L'exclamation peu charitable du loustique maritime fut la cause d'un bruyant éclat de rire. Et cependant, sur le gaillard d'arrière, le jeune couple, insensible à la rigueur de la température, continuait son ineffable causerie. « Tu me demandes bien des choses, Betty, et je n'en sais plus qu'une seule. C'est que je t'aime, comme je n'ai jamais aimé personne, » reprit le jeune lord en la pressant sur son cœur. « Je t'aime de toute mon âme. Ma vie, elle n'a commencé qu'à bord du Guardian, du moment où je t'ai vu pour la première fois. Tout le reste de mes jours est triste à raconter, triste comme cette terre et ce monde dont tu voudrais le tableau. » 15 jours de réflexion solitaire dans l'étroite cabine de Maître Smith avait favorablement disposé sa fille aux déclarations du dandy. Que de fois elle avait regretté les longues et douces soirées du tropique, qui ne devaient plus revenir. Que de fois elle avait songé avec douleur que le vaisseau arrivé à Botany Bay s'en serait fait à jamais, peut-être, et qu'elle ne reverrait plus Lord Falton. Aussi, elle se laissait aller naïvement à l'écouter, recueillait précieusement chaque parole, et en attendait une nouvelle avec avidité. Depuis 3 mois que l'on avait mis sous voile, elle s'était sentie attirée par un charme toujours croissant vers ce passager, enthousiaste de la mer comme elle, et comme elle, appelant de tous ses voeux une existence aventureuse. Tandis que les marins, dans leur grossier langage, faisaient sans cesse l'éloge de la terre, lui, s'y distinguait de manière, lui, contraste brillant des seuls hommes qu'elle connut, ne parlait jamais du monde et de ses plaisirs qu'avec un profond dégoût. Betty vivait sous l'influence d'une éducation excentrique. Elle ignorait ces riens que toutes les autres jeunes filles apprennent dès le berceau. En fallait-il davantage pour que, douée, du reste, d'une imagination ardente, elle répondît chaleureusement à la passion du jeune lord? Elle ne soupçonnait pas qu'on lui cache avec soin la plus suave des impressions. Son père ne lui avait jamais fait un cours de morale mondaine. Il possédait au plus haut degré la franchise naturelle à tous ceux qui n'ont pas appris dans la société l'art de déguiser leurs pensées. Cependant, par une pudeur instinctive, elle n'osa pas insister sur ces questions et comme pour répondre aux passagers. « L'amour, dit-elle, c'est donc le bonheur ?» Lord Falton avait la clé de ce caractère, il se savait aimé depuis longtemps. « Eh bien, s'écria-t-il, nos voeux se réaliseront. Tu vivras avec moi sur l'océan, je serai marin. » Ces débris de fortune que je devais employer à fonder un établissement dans la Nouvelle-Hollande me serviront à acquérir un bâtiment. Tu viendras avec moi, tu partageras ma bonne ou ma mauvaise étoile, ce que j'ignorerais tu me l'apprendras, et tu seras le véritable capitaine de notre demeure flottante. Et mon père, my lord? Demanda vivement la jeune fille en se dégageant du bras qui la tenait enlacé. Vous me conseilleriez de déserter le Guardian? Ah, je ne vous aimerais plus. « Écoutez, tout cela c'est une belle rêverie, » dit-elle en redevenant plus calme. « Je suis une enfant disciplinée et soumise, la fille d'un brave et honnête marin. Je serai heureuse de partager votre espoir et votre vie. Je vous aime, Lord Falton, et ne crains pas de l'avouer, car je vous crois sincère dans votre amour. Mais j'éviterai de commettre une faute grave. Obtenez le consentement de mon père, dont je suis résolu à ne jamais braver la volonté, et je vous suivrai partout. Partout. » Entendez-vous, sur terre et sur mer, dans l'exil ou dans votre pays, et même dans ce monde inconnu, dont vous aussi me parlez en termes obscurs. Adieu. » La jeune fille salua le passager d'un geste plein de grâce et disparut comme une ombre par le panneau des officiers, mais son amant resta sur le pont où personne ne remarqua sa présence. Dans le but de gagner de l'espace et de loger plus facilement les futurs colons de Botany Bay, l'on avait démonté et mis à fond de cale la plus grande partie des canons du Guardian. Toutefois, il en restait encore assez de braquer au sabord pour exercer l'active surveillance de Maître Smith, important personnage également chargé de la police intérieure et de l'artillerie, et dont les longues et fréquentes conférences avec le capitaine ne devaient par conséquent surprendre personne. On savait, à la vérité, qu'une ancienne liaison avait existé entre le sous-officier et le commandant. On n'ignorait pas que Betty donnait le titre de parrain à ce dernier. Mais les rapports extérieurs du service, la distance toujours bien sentie qui séparait le chef du subalterne, ne pouvaient laisser soupçonner qu'il existât encore entre eux le moindre vestige d'intimité. En effet, par cette grande habitude qu'ont les marins de se composer à masque en rapport avec leur rôle, sur le pont, en présence de l'équipage, devant un seul témoin, M. Butler était commandant. Peter Smith, maître canonnier, rien de moins, rien de plus. Mais lorsque le soir, la chambre du conseil était hermétiquement fermée, et que le factionnaire avait reçu la consigne d'en défendre l'entrée à qui que ce fût, alors les deux amis se retrouvaient en quelque sorte sur le pied de l'égalité. Le maître prenait place sur le sofa de son capitaine, ils reparlaient du temps passé, bâtissaient ensemble des projets pour l'avenir, et Betty, qui leur était aussi chère à l'un qu'à l'autre, devenait ordinairement le sujet de la conversation. Cependant, dès que volontairement ou par mégarde l'officier abordait une question relative au service, Peter Smith se retranchait dans sa position d'inférieur, ne répondait que par le mot « commandant », et se gardait d'émettre son avis sans qu'il lui fût expressément demandé. Dans le temps qu'il n'était encore que contremaître, Peter Smith se maria à Calcutta assez brusquement, comme tous les matelots, qui s'inquiètent rarement de l'avenir pourvu qu'ils satisfassent leurs caprices du moment. Quelques mois après, le vaisseau mit à la voile pour retourner en Angleterre. La femme de Smith le suivit à bord et mourut en mer en donnant le jour à Betty. La petite créature, privée de sa mère, ne survécut que grâce au lait d'une chèvre et aux soins assidus de son père et de son parrain, qui faisaient scrupuleusement faction auprès de son berceau. Échappée comme par miracle au danger de sa première enfance, elle grandit sur les planches où elle était née, et longtemps le maître canonnier obtint de la garder avec lui pendant ses navigations. Mais quand la jeune fille eut atteint sa 15e année, tous les capitaines auxquels maître Smith adressa sa requête se refusèrent également à la prendre à leur bord, et le malheureux père se trouva dans le plus pénible embarras. Il s'était fait une douce habitude de sa jeune compagne, avait mis toute son étude à l'élever de son mieux et ne comptait pas encore s'en séparer. Dans quelques années, se disait-il, je l'aurais mariée, elle aurait trouvé un appui naturel dans son époux, et plus tard, leur intérieur serait devenu mon refuge. Mais cette opposition des chefs dérange tous mes projets. Que faire à présent? Je n'ai ni mère ni sœur à qui confier mon enfant. Et que deviendra-t-elle si je la laisse au milieu d'indifférents et d'étrangers? Elle qui n'entend rien aux mœurs des habitants de la ferme. Je ne puis cependant pas non plus renoncer à mon métier. De quoi vivrions-nous? Le vieux marin ne se familiarisait point avec la perspective d'abandonner ainsi sa fille, et du reste, les préjugés du gaillard d'avant, qui avait fortement pris sur son esprit, grossissaient encore ses craintes. Un de ses articles de foi était qu'un nom doit constamment être enregistré quelque part, sous peine des plus grands malheurs. Aussi, le digne homme s'était bien promis que celui de Betty figurerait toujours sur un rôle d'équipage, jusqu'à ce qu'il fût inscrit sur le cahier d'une paroisse. Il fallait cependant renoncer à ce doux espoir. Découragé par d'inutiles démarches, Smith était en proie à une profonde tristesse lorsqu'il rencontra par un bonheur inespéré son ancien camarade Butler, qui prenait le commandement du Guardian. Le reste se devine. Le maître confia à cœur ouvert ses inquiétudes paternelles au capitaine, qu'il accepta aussitôt à son bord, lui et sa fille, en usant des privilèges étendus dont jouissaient alors surtout les commandants de la marine anglaise. À l'époque où se passe notre scène, le navire avait déjà fait plusieurs campagnes, et Miss Betty venait d'accomplir sa 17e année. « Commandant, dit le maître canonnier en entrant, Tom Mill et Gaspard sont tous les deux offerts. J'ai fait une ronde dans les batteries, où tout est tranquille. » Mais en passant, j'ai dit à la vieille Fley de ne pas se coucher jusqu'à nouvel ordre, dans le cas où vous voudriez l'interroger. « Eh, mon pauvre Smith, répondit le capitaine avec vivacité, de quoi vous inquiétez-vous? Laissez donc cette folle en repos, qu'elle se couche et qu'il n'en soit plus question. D'ailleurs, la brise est douce, et dans quelque temps nous serons débarrassés de la misérable cargaison de coquines et de bandits dont nous sommes encombrés. » Le canonnier fit alors l'exposé de ses nombreux griefs contre la déportée, et ses accusations furent assez graves pour être prises en considération par le capitaine. « Eh bien, allez me la chercher, » dit-il, et il se mit à parcourir sa galerie à grands pas. Le capitaine Butler avait depuis longtemps abandonné les croyances du gaillard d'avant. Ce n'était pas seulement un matelot dégrossi, des études consciencieuses et 10 années de service dans une position supérieure l'avaient mis à même de ne jamais faire disparate parmi ses collègues de la marine militaire. Les fables de la déportée ne pouvaient avoir prise sur lui. Quand elle entra, conduite par le maître canonnier, il la toisa d'un regard sévère. « Je suis mécontent de vous, femme Fley, et vous conseille de ne plus vous attirer mes réprimandes. » La prétendue sorcière portait une de ces méchantes figures dont il est impossible de déterminer l'âge. On la traitait de vieille depuis plus de 10 ans, et pourtant elle avait à peine atteint sa 40e année. Du reste, sa physionomie n'inspirait que du dégoût, et on y lisait en toutes lettres qu'elle avait dû successivement croupir dans toutes les maisons de correction d'Angleterre. À la réprimande du capitaine, elle fixa sur lui un regard d'insolence qui blessa le marin, dont la patience n'était pas la vertu d'habitude. « Je ne sais pas de quoi l'on m'accuse. Je n'ai rien fait, monsieur le commandant, pour mériter cet avertissement. Assurément, je n'ai pas envie. Taisez-vous » cria l'officier. « Je ne vous ai pas fait venir ici pour entendre de mauvaises paroles, mais pour vous signifier que vous ayez à ne jamais sortir de votre casernement qu'aux heures où les femmes montent sur le pont. » La déportée se préparait à riposter lorsque 3 coups timidement frappés à la porte annoncèrent la présence de Betty, qui ne put réprimer un mouvement de surprise en rencontrant par ailleurs Mrs. Fley chez le capitaine. « Ah ah ! Vous vous étonnez de me voir ici, Miss Smith, » dit la vieille. « C'est que vous n'êtes pas la seule à vouloir la bonne aventure. Demandez plutôt au capitaine s'il est content de mes nouvelles. « Allez, allez, commandant Butler, votre gardien aura beau se garder. Il ne tardera pas à se perdre corps et bien, oui, corps et bien, sans qu'il n'en réchappe un seul de tous ceux qui sont à bord. Vous périrez tous, tous, excepté moi, la damnée, que l'ami Satan viendra tirer d'ici par les cheveux. » Décidément, la malheureuse est folle. Ramenez-la dans son logement, et désormais qu'on la surveille comme il faut. Mais en mon âme et conscience, je ne puis me résoudre à la punir d'avoir perdu la raison. « Ah, je suis folle parce que je sais l'avenir !» cria la vieille plus fort. « Laissez venir demain matin !» Le maître canonnier ne parvint qu'avec peine à faire sortir la déportée qui continuait à vociférer et se trouvait horriblement choqué des 2 épithètes de vieille et de folle prononcées sans intention par le commandant. « Tu es resté bien longtemps sur le pont, mon enfant !» dit le capitaine à Betty dès qu'ils se trouvèrent seuls. « Il fait cependant un vent glacial ce soir. » Il est vrai que le froid est un peu vif, mais j'avais besoin de prendre l'air. Tous ces jours-ci, je ne suis pas sorti du faux pont, et aujourd'hui, j'ai passé mon temps dans l'hôpital des blessés. Oh, ce n'est pas sans raison que l'équipage t'appelle la perle du Guardian. Puis-je faire moins que d'aider les infirmiers? Moi, dès que j'ai besoin de quelqu'un, c'est à qui s'offrira pour m'obliger. Mon petit parrain, continua la jeune fille avec un accent qui triomphait toujours de la volonté du capitaine, j'aurai une prière à vous faire. Un peu indiscrète, peut-être, mais vous êtes si bon que vous ne me refuserez pas. Mais si ta demande est contraire aux règles du service, répondit l'officier en se tenant sur ses gardes, elle est au moins conforme à celle de la pitié. Explique-toi, mon enfant. Le lieutenant de quart a fait mettre tout à l'heure un homme dans les haubans pour y rester jusqu'à minuit. Levez cette punition, je vous en prie, le temps est si rude. Sais-tu quel est cet homme? Ce qu'il a fait? Je n'ai pas l'usage de m'opposer à la justice de mes officiers. C'est contraire à toute bonne discipline. C'est le factionnaire du Bossoir qui s'était endormi à son poste, et il est bien excusable avec le brouillard de ce soir. Je vous en supplie, parrain, faites-le descendre, il sera gelé là-haut, et j'aurai un malade de plus à soigner demain. Ces jeunes officiers sont souvent cruels par irréflexion, murmura le capitaine en donnant un coup de sonnette. La porte s'ouvrit à l'instant, un timonier entra. À vos ordres, commandant. « Quel temps fait-il là-haut ? Toujours le même, commandant. Mais la brise devient de plus en plus froide. Allez dire au lieutenant de quart de lever la punition de l'homme qui est amarré dans les haubans, et qu'on n'y mette plus personne jusqu'à nouvel ordre. »« Merci, merci, parrain. Je vous suis bien reconnaissante, car j'étais tout attristée en songeant à ce pauvre matelot. »« Assez, mon enfant, parlons d'autre chose. Je ne t'ai pas dit de passer ici pour faire avec toi de la sensiblerie maritime, et il ne s'agissait guère dans mon esprit de la brume ni des haubans, pas plus que de l'équipage ou que du gardien lui-même. Ah, mon Dieu, dit-elle douloureusement, je le vois. Vous allez encore parler de me débarquer au retour en Angleterre et de me marier avec votre neveu Jameson. Il n'est pas de pensée qui me soit plus pénible, je vous assure. Mais le capitaine et le canonnier insistaient chaleureusement. C'est un bon garçon, sois-en sûr, disait le dernier. Un fermier riche et honorable, ajoutait Butley. Si tu l'épousais, Smith et moi, nous pourrions un jour venir nous établir près de vous. La vie de famille est si douce, Betty. La jeune fille baissa la tête. Je resterai donc toujours à terre, dit-elle, toujours. La terre lui fait peur, dit le canonnier en souriant. Quand tu la connaîtras, tu ne te soucieras plus de la mer, sois tranquille. Betty semblait pétrifiée. Lord Felton, la mer, tous ses rêves lui revenaient à l'esprit. « Oh non, c'est impossible, » dit-elle tout haut, comme se parlant à elle-même, « je serais trop malheureuse. » On n'eut pas le temps de lui répondre. Les trois interlocuteurs, violemment arrachés de leur siège, furent lancés à l'autre extrémité de la galerie. Le gardien venait de toucher. Des cris et des craquements affreux se faisaient entendre. Une obscurité profonde régnait dans toutes les parties du navire. Les lampes s'étaient éteintes et cassées par suite d'un choc terrible dont la cause était encore inconnue. Le capitaine se releva promptement et monta sur le pont. La nuit, le brouillard et le bruit rendirent tous ses efforts inutiles. Personne ne le reconnut. Il fut obligé de rechercher lui-même l'origine du désastre. Il se faisant jour avec peine à travers un amas de cordages et de débris qui couvraient les gaillards comme les mailles d'un filet. Il arriva jusqu'à l'avant et aperçut alors une haute falaise de glace contre laquelle le navire s'était heurté de toute sa vitesse. Le vent se faisait à peine sentir à bord du Guardian, qu'abritait la banquise. Autour de lui, la mer était calme, tout espoir n'était pas perdu. Le silence avait succédé au premier moment de tumulte. Les commandements de l'officier de quart dominaient les cris des blessés, et déjà un certain ordre était rétabli quand le capitaine, parvenu à franchir une seconde fois le réseau d'obstacles qui lui barrait le passage, monta sur le banc de quart et dit au lieutenant « Me voici !»« Commandant !» répliqua aussitôt l'officier en lui remettant le porte-voix. « Il n'y a pas de ma faute, la brume !»« Je sais cela, monsieur. Allez m'appeler tous les officiers, qu'ils viennent se ranger autour de moi pour attendre et pour faire exécuter mes ordres. » Une voix glapissante se fit alors entendre au pied du grand mât. « eh bien, capitaine Butley, que penses-tu des prédictions de la vieille folle? Me croiras-tu maintenant? Katy Flay ne se trompe jamais !» « Maître de quart, » cria le capitaine dans son porte-voix, « qu'on bâillonne cette femme et qu'on l'envoie en bas. »« Je ne la vois pas, commandant, » répondit le sous-officier. « Et on ne l'entendra plus aujourd'hui, » ajouta la vieille d'un peu plus loin, « mais on la reverra demain. »« En haut, tout le monde à l'appel, » dit le porte-voix du commandant. « En haut, tout le monde à l'appel, » répéta le maître de manœuvre après un long coup de sifflet d'avertissement. Il ne s'était pas écoulé un quart d'heure depuis le terrible coup d'éperon du Guardian que son équipage, habilement réparti partout où il était nécessaire, travaillait avec ardeur au salut du vaisseau. Au lever du soleil, chacun put juger de la position critique dans laquelle se trouvait le navire. Il ne lui restait plus que des tronçons de mât. Des lambeaux de cordage hachés pendaient à ses flancs et son avant démantelé ressemblait à la brèche d'une place forte qui vient d'être prise d'assaut. C'était peu que tout cela. Une avarie beaucoup plus grave compromettait le salut général. Au-dessous de la flottaison, une large voie d'eau laissait entrer la mer, et les pompes ne suffisaient plus à en arrêter les progrès. Il avait fallu former des chaînes de seaux qui passaient et repassaient constamment de main en main. Soldats, matelots, passagers, hommes et femmes, tous travaillaient sans relâche, mais leurs efforts étaient infructueux. Le gardien enfonçait d'heure en heure, les bras se fatiguaient, et la consternation était peinte sur toutes les figures. Le maître charpentier allait à fréquents intervalles rendre compte du niveau au capitaine qui, plongé dans de sombres réflexions, se demandait s'il ne serait pas temps bientôt de renoncer à une lutte inutile. Cependant, des vivres retirés de la cale avaient été placés sur le pont et l'on était prêt à mettre à flot la chaloupe, unique et dernière ressource qui ne pouvait servir qu'à un petit nombre. C'était la seule embarcation qu'eussent épargné les mauvais temps précédents et la chute de la mâture. Le capitaine la regardait en songeant avec effroi au moment prochain où il faudrait faire choix de ceux à qui serait abandonnée cette faible chance d'échapper au naufrage. On jeta les canons et les ancres à la mer. On ne négligea aucun moyen d'alléger le navire, mais l'eau gagnait et montait toujours dans l'intérieur. Déjà, de sourds murmures se faisaient entendre parmi les gens de l'équipage et surtout parmi les condamnés. « La chaloupe ! La chaloupe !» criaient les plus mutins. bas les pompes, à la chaloupe !» La révolte, compagne inséparable de toutes les catastrophes, était devenue imminente. La volonté du capitaine triompha encore pendant plusieurs heures, mais lorsqu'il devint évident aux yeux des moins marins que la perte totale était inévitable, la discipline s'écroula devant le danger. Les cris, la chaloupe à la mer, devinrent plus tumultueux, et les déportés, abandonnant les leviers des pompes, firent invasion sur le pont où tous les naufragés se trouvèrent alors réunis dans des attitudes bien différentes. Les convicts, hommes et femmes, occupaient l'avant du vaisseau. Le plus grand nombre s'était emparé de ses armes, toujours faciles à rencontrer à bord. Ils brandissaient sur leur tête des barres de fer, des haches, des pics, ou même des boulets et des biscayens dont ils menaçaient l'équipage et jetaient des yeux d'envie sur la chaloupe. Au milieu d'eux, Katy Flay faisait entendre sa voix. « Eh bien, misérable, si vous aviez osé briser vos fers et vous rendre maître du navire d'hier, seriez-vous, alors qu'il est, destiné à devenir la pâture des requins? Maintenant, écoutez-moi. Faites ce que j'ordonnerai, et je vous sauverai, j'en réponds. » La mégère, par cet exorde entrecoupé d'imprécations, s'attira l'attention des bandits disposés à suivre ses conseils en tout point. En face des révoltés était alignée la troupe soumise des soldats de marine, prêts à faire feu au premier commandement, et protégeant les manœuvres des matelots qui lançaient enfin la chaloupe à la mer. De l'arrière, le capitaine Butler et ses officiers surveillaient cette opération devenue très délicate depuis les pertes de la mâture. « Lieutenant, » fit le capitaine en s'adressant à l'officier le plus ancien, « il est temps de nommer l'équipage et les passagers de notre chaloupe. C'est vous qui la commanderez. » Un long colloque à voix basse s'établit entre les deux chefs. Ils feuilletèrent ensemble le rôle d'équipage et firent une liste de noms parmi lesquels figuraient ceux de Betty et de son père. Ils discutaient avec un lugubre sang-froid l'arrêt de vie ou de mort de leurs subordonnés. Quand la liste fut terminée, l'officier compta. « 41, dit-il, il y en a un de trop. Rayez au hasard. » Le hasard effaça le nom de Lord Falton. Tandis qu'un trait de plume lui enlevait ainsi toute chance de salut, le passager était assis à 10 pas à côté de Betty. Mourir si jeune, si belle, si pure. Pauvre enfant, mais c'est affreux, lui disait-il. Pourquoi déplorer mon sort? Répondait la jeune fille. Le même danger ne vous menace-t-il pas? Moi? Que m'importait la vie, puisqu'il aurait fallu te quitter un jour? Je périrais sans regret. Mais toi, Betty, toi, mourir. Ma fille, dit le maître canonnier, à qui le capitaine venait de parler à l'oreille, tiens-toi prête à descendre dans la chaloupe. Et lui, doit-il y venir? Demanda-t-elle avec anxiété. Son père la regarda fixement, puis frappé de la solennité d'un instant pareil, il ne répondit que par un signe de doute et retourna prendre son poste. Il observait chacun des gestes de son vieux camarade, de grosses larmes roulaient dans ses yeux. Le capitaine Butler tira un calepin de sa poche, écrivit quelques lignes sur la dernière page, c'était son testament. Il partageait tout son avoir entre son neveu Jameson et son ami Smith, en recommandant au premier d'épouser Betty. Lorsqu'il eut achevé, il tendit le portefeuille au maître canonnier. « Vous lirez cela quand vous arriverez à terre, pas avant. »« Oui, commandant, » répondit le sous-officier qui ne put se contenir plus longtemps et se mit à pleurer. « Plus de commandant à 7 heures, plus de commandant entre nous !» s'écria impétueusement le capitaine, et se jetant dans les bras de Peter Smith. « Je ne suis plus que ton vieux Butler, ton matelot, ton ami. Je le déclare à présent, car, » ajouta-t-il plus bas, le vaisseau va couler, et la chaloupe est à la mer. » Puis s'arrachant convulsivement à l'étreinte fraternelle de son ancien compagnon, « Assez, assez » continua-t-il avec un triste sourire. « Mon rôle de chef n'est hélas terminé que pour toi. Il faut le jouer jusqu'à la fin devant les autres. » Et il remonta sur le bord de car, où son pénible devoir le tenait enchaîné. Le canonnier se dirigea du côté de sa fille, la prit par la main et l'entraîna au milieu du pont. Lord Falton les suivit à pas lents. Sans dire une parole, il porta ses lèvres l'autre main de Betty. Devant la mort, le respect humain disparaît. Nous ne craignons plus de révéler les mystères de nos cœurs. Aussi, la jeune fille ne rougit pas, mais levant les yeux au ciel. « mon Dieu » s'écria-t-elle, « prenez pitié de lui !» Et elle se prit à sangloter. Cependant, on venait d'achever d'embarquer dans la chaloupe les vivres nécessaires à son futur équipage. « L'appel !» cria le porte-voix du commandant. « L'appel !» reprit le maître de manœuvre après un long coup de sifflet. Un silence affreux succéda à ce double signal. On n'entendait plus que la respiration entrecoupée de la multitude. Le lieutenant monta sur un amas de débris entassé au pied du grand mât. et commença à désigner à haute voix des matelots qui descendirent successivement dans la chaloupe. Quand le dixième nom retentit, « Il est temps !» hurla la vieille Fley. « Il est temps !» Et la masse des convicts se précipita sur les soldats de marine. « Feu !» commanda le capitaine. « Feu !» répéta l'officier d'infanterie. Une lutte acharnée s'engagea dès lors sur le pont. Il devint impossible de continuer l'appel. Maître Smith, le capitaine, tous les officiers se portèrent au lieu de la mêlée. Mais Lord Falton resta sur le galliard d'arrière pour veiller sur Betty. Un cri d'horreur qui semblait à la fois sortir de toutes les bouches vint interrompre le combat. La chaloupe avait pris le large. L'officier qui devait la commander, profitant du tumulte, s'était élancé dedans et avait donné l'ordre au rameur de pousser et de s'éloigner du navire. Puis, arrivé à demi-portée de voix, il avait fait lever les avirons et semblait attendre de nouvelles instructions. Le silence se rétablit sur le Guardian. Les soldats de marine chargèrent précipitamment leurs armes et les révoltés se réunirent encore à l'avant, d'où ils assistaient avec terreur au spectacle de ce qui se passait autour de l'embarcation. En s'apercevant de son départ, une foule d'hommes s'était jetée à la nage et essayait de monter à bord, mais l'officier et les canotiers les repoussaient impitoyablement. Ces malheureux, glacés par le froid, coulaient en vomissant des blasphèmes. Pas un d'entre eux ne put même parvenir à regagner le vaisseau. De toutes parts, le désespoir enfantait d'horribles scènes. Sur le pont, l'attaque et la défense se réorganisaient. Le capitaine Butler espéra néanmoins qu'il parviendrait à compléter l'équipage de l'embarcation comme il l'avait résolu, et continuant l'appel lui-même, rangea auprès de l'échelle les matelots destinés à descendre dans la chaloupe. Il cria au lieutenant d'accoster. L'officier obéit aussitôt, mais en même temps, la bande des révoltés recommença le combat avec plus de fureur. Une autre décharge d'armes à feu se fit entendre, et les passavants devinrent le théâtre d'une seconde boucherie. Les hommes désignés à l'avance sautèrent impétueusement dans la barque. Il ne resta plus à l'ouverture du navire, auprès de l'escalier extérieur, que Maître Smith, sa fille, Lord Falton et le capitaine. « Embarque, Peters !» disait celui-ci, en serrant pour la dernière fois la main de son ami. « Que Dieu vous conduise à bon port. Je vais embrasser ton enfant. Après cela, il ne me restera qu'à mourir. » Le maître canonnier descendit et s'assit dans la chaloupe sans oser retourner la tête. Le capitaine, douloureusement ému, serrait Betty dans ses bras. Lord Falton ne put retenir un soupir plein d'amertume. « Adieu, adieu » murmura-t-il, « sois sauvé !» La jeune fille jeta sur lui un triste regard d'adieu et voulut suivre son père. « Non, non, elle n'embarquera pas !» cria Mrs. Fley, suivie d'une horde de convicts qui avaient culbuté les soldats et couraient vers la chaloupe. « Elle n'embarquera pas, c'est à nous maintenant !» Betty, brusquement enlevée par les déportés, fut traînée sur le gaillard d'arrière, et la vieille, s'adressant à l'équipage, « Si le gardien ne conserve pas sa perle, il est perdu à tout jamais !» hurlait Katie Fley. « Dès que l'a remis le pied hors du navire, nous périrons à l'instant même. Retenez-la, retenez-la !» La plupart des gens de l'équipage, vivement impressionnés par l'accent prophétique de la Sibylle, malgré l'affection qu'ils portaient à Betty, conservaient une neutralité désespérante. Les révoltés avaient le dessus, les femmes gardaient la jeune fille au milieu d'elles, tandis que les hommes repoussent avec rage ses défenseurs. Un long coup de sifflet retentit et l'on y prêta l'oreille par l'habitude commune à tous les marins dès qu'ils entendent ce signal. « La chaloupe est au large !» ajouta le maître de manœuvre, qui n'avait pas quitté son poste au pied du grand mât. « À quoi sert de se battre? Tout est fini !» Les regards se portèrent sur l'embarcation. La lutte dont Betty était l'objet cessa à l'instant, et la jeune fille resta abandonnée aux soins de Lord Falton et du capitaine, blessés tous les deux pendant la rixe à laquelle ils venaient de prendre une part si active. Quelques officiers silencieux, et méditant sans doute sur leur mort prochaine, étaient assis à l'arrière. Quant à la foule, toujours guidée par Katy Fley, elle se précipita vers le lieu où se trouvaient déposés les vivres, défonça les barriques de vin et d'eau-de-vie et se mit à chanter d'un pur refrain. Une saturnale bachique commença dès lors sur ses planches teintes de sang, éminées par l'océan qui devait bientôt les engloutir. Betty suivait de l'œil les mouvements de la chaloupe dont les lourds avirons battaient la mer et où l'on se disposait déjà à établir la voilure. Tout à coup, elle poussa un cri déchirant et succombant à une émotion nouvelle, tomba évanouie entre les bras de Lord Falton. « Oh, c'en est trop !» s'écria en même temps le capitaine Butler, dont les regards étaient toujours fixés sur ce qui se passait dans l'embarcation. Le maître canonnier, en abandonnant son vieil ami, s'était jeté dans un coin de la chaloupe. Absorbé par sa douleur et inattentif à tout ce qui se passait, il s'était cru suivi par Betty, mais lorsque levant la tête, il la vit à côté du capitaine sur le couronnement du vaisseau, il s'adressa au lieutenant. « Retournons à bord, monsieur, je vous en supplie, allons chercher ma fille. Ma fille devait être sauvée. » L'officier qui tenait sa longue vue braquée sur le Guardian, voyant les révoltés devenus les maîtres, et sachant bien que son retour ne produirait tout au plus que de nouvelles scènes de violence, ne répondit pas au malheureux père et se contenta de donner quelques ordres pour faire préparer les voiles. Smith, atterré, frappé à la fois de toutes ses affections et réduit au désespoir, ne trouva pas de nouvelles paroles et se précipita à la mer. Betty avait tout vu, tout compris. Cependant, si les forces ne lui eussent manqué, elle aurait vu aussi son père sauvé malgré lui et amarré sur un des bancs de l'embarcation par les ordres du lieutenant. Déjà le soleil était près de l'horizon. Le transport coulait jusqu'à la hauteur de sa batterie basse, était toujours accosté à la fatale banquise. Çà et là, flottaient autour de lui les débris des canots et de la mâture. La mer, unie comme un miroir, réfléchissait dans leurs plus petits détails les falaises glacées et le corps mutilé du vaisseau. L'air était immobile et des chants obscènes troublaient seuls le silence de ces funestes parages. Cependant, lorsque la chaloupe fut à quelque distance, elle commença à retrouver une brise favorable et perdit bientôt de vue la coque du navire ainsi que la vaste surface blanchâtre et hérissée d'aspérite contre laquelle il était adossé. Les rameurs rentrèrent leurs avirons et l'on gouverna droit au nord pour fuir plus vite le théâtre du désastre. La chaloupe navigua ainsi à l'aventure sans qu'il fût possible de préciser le lieu où elle arriverait, car déjà sur le vaisseau, la tempête et les brouillards avaient depuis longtemps mis obstacle à toute observation astronomique, et dans la précipitation du départ, l'on avait pu se munir des instruments nautiques les plus nécessaires. Toutefois, le lieutenant se croyait sur la route du cap de Bonne-Espérance, la mer était belle, la brise toujours égale ne variait pas dans sa direction, et la température devenait de plus en plus tolérable. Les inquiétudes des naufragés se dissipèrent tout à fait le 9e jour, quand ils aperçurent à l'horizon un grand bâtiment qui courait de manière à passer dans leurs eaux. Aussitôt, ils hissèrent le yacht anglais à mi-mât en signe de détresse, et armant tous les avirons, se mirent en devoir de l'atteindre à force de voiles et de rames. Le navire parut aussi les avoir remarqués, car il cargua tout à coup ses basses voiles et appuya d'un coup de canon un vaste pavillon blanc qui se développa majestueusement à sa corne d'artimon. Le lieutenant qui observait la lunette d'approche s'écria alors « C'est une frégate française !» Les naufragés ne tardèrent pas à être hospitalièrement accueillis à bord de la frégate La Dryade, qui peu de jours après fit son entrée dans la baie du Cap de Bonne-Espérance. Par une singularité digne de remarque, une corvette anglaise, la Pearl, qui elle aussi avait fait en pleine mer le sauvetage d'une embarcation abandonnée à la merci des flots, laissa tomber son ancre en rade presque au même moment. Plusieurs mois auparavant, elle avait rencontré dans l'Océanie, à une grande distance de toute terre, le canot de transport le Bounty, dont la révolte, chantée par Lord Byron, est devenue célèbre. Elle avait ainsi miraculeusement arraché à la mort le capitaine et le petit nombre d'hommes qui lui étaient restés fidèles. La double relâche fut courte. La Pearl appareilla pour l'Angleterre, emportant à son bord les restes de l'équipage du Guardian, et la Dryade partit pour l'île de France, d'où sous peu de temps elle devait remettre la voile et retourner aussi en Europe. La dernière mission de la frégate La Dryade à son retour en France était d'aller déterminer exactement, par des observations astronomiques, la position de l'île de l'Ascension, ce point isolé au milieu de l'Atlantique et qui, posé à égale distance des deux continents, sera toujours le refuge des forbans et des négriers. On avait jeté l'ancre dans la plus vaste des baies sablonneuses qui festonnent les rivages de l'îlot, et déjà, les travaux hydrographiques étaient commencés quand deux jeunes officiers descendirent à terre, le fusil sur l'épaule, dans le but d'aller faire une simple promenade en tuant quelques oiseaux de mer. La chaleur était accablante. Depuis plus d'une heure, ils erraient au hasard, tantôt longeant la plage, tantôt s'enfonçant dans les broussailles, et ne semblaient pas trouver un vif intérêt à leur excursion. Enfin, l'un d'eux proposa à son compagnon de s'arrêter avec lui à l'ombre des halliers au milieu desquels il se trouvait. « Voilà qui est singulier !» s'écria Despointes. « Il me semble voir les mâts d'une chaloupe au-dessus de cette haie. » Ils firent encore quelques pas et reconnurent parfaitement une grande embarcation à l'ancre dans une crique. Le gréement bien peigné, les voiles roulées avec soin. elle se balançait sous l'influence d'une longue houle qui faisait onduler la mer. « Parbleu, il faudrait voir ce que c'est !» répartit l'autre officier, dont l'ardeur se trouva ranimée par la curiosité. « Attendons qu'un instant, nous irons ensemble tout à l'heure. Pour ma part, je suis harassé maintenant. Eh bien, j'irai seul. »« Comme il te plaira !» dit Despointes en se couchant à l'ombre d'un arbuste touffu. De Creuse sauta lestement de rocher en rocher jusqu'au bord de la mer et marcha dans la direction où il avait vu la chaloupe. Tout à coup, il s'arrêta, comme s'il eût rencontré quelque obstacle imprévu, et rétrogradant avec précaution, il retourna au lieu où il avait laissé son ami. « Bas la paresse, » dit-il, « il faut que tu me suives. Je viens d'apercevoir deux hommes couchés dans les broussailles. Ce doit être des gens du petit navire que nous venons de découvrir, et probablement des pirates. Allons les prendre au gîte. »« Un moment, » fit Despointes en se levant. « Visitons d'abord nos amorces et chargeons nos fusils à balles, c'est prudent. » Pour toute réponse, De Creuse imita son camarade et ils se mirent à marcher avec autant de précautions qu'ils le purent jusqu'auprès des individus dont la présence dans l'île leur paraissait au moins suspecte. « Ils dorment, » dit Despointes à voix basse. « Tant mieux, avançons toujours. » Les officiers examinaient attentivement les deux étrangers qui portaient d'élégants costumes de matelots d'une coupe hollandaise. L'un était un homme de 25 à 30 ans, d'une physionomie belle et ouverte. L'autre paraissait beaucoup plus jeune et ne pouvait être que le mousse de la chaloupe. « Ah ça, debout, debout !» cria De Creuse, les éveillant en sursaut. Le premier mouvement du plus grand fut de saisir l'autre par la main et de prendre la fuite. « Halte, ou je fais feu sur vous !» reprit l'officier en les mettant en joue. « De quel droit, messieurs les Français, en agissez-vous ainsi ?» demanda le fuyard, avec un accent qui révélait assez qu'il était anglais. « Du droit des plus forts, nous vous arrêtons jusqu'à plus en plein formé. Maintenant, marchez devant nous. » Une violente colère se lisait dans les yeux du matelot, mais l'attitude des officiers était sans réplique, et les Anglais, n'ayant pas d'armes, ne pouvaient essayer de résister. Ils arrivèrent donc tous les quatre jusqu'au canot de la frégate qui attendait au rivage, et bon gré mal gré, il fallut que les prisonniers vinssent à bord, où ils comparurent aussitôt devant le commandant. Les promeneurs rendirent compte de tout ce qu'ils avaient vu et désignèrent la crique où la chaloupe était mouillée. « Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et que faites-vous ici ?» demanda le capitaine au matelot anglais. « Je suis le propriétaire du petit sloop de plaisance que vos officiers ont vu ce matin. Cet enfant est le mousse de mon bateau. Il y a 2 mois, nous sortîmes de la rade du cap de Bonne-Espérance par un beau temps, mais un coup de vent sud-est s'étant déclaré tandis que nous étions dehors, nous avons été jetés au large. » Et sommes arrivés par hasard jusqu'ici, où nous attendons quelque occasion de regagner notre port. Car nous n'avons rien de ce qu'il faut pour entreprendre une aussi longue navigation sans secours étranger. Alors pourquoi avoir essayé de fuir lorsqu'on vous a réveillé? Un moment de surprise, la crainte des pirates! Balbutia le matelot, qui échangea rapidement quelques mots en anglais avec son compagnon. Celui-ci répondit brièvement et d'une voix flûtée qui attira sur lui tous les regards. Rien de cela n'est vrai, ni même possible! S'écria brusquement le capitaine après avoir longtemps examiné le mousse avec attention. « Et votre compagnon est une femme. Avouez-le ou l'on va s'en assurer. »« Oui, monsieur, » dit le matelot, « je n'essaierai pas plus longtemps de vous faire des comptes invraisemblables. Mais des intérêts trop graves sont attachés au secret de la présence de cette jeune personne ici pour que je veuille les divulguer. Il vous suffit de savoir qu'il y est de son plein gré, car je garde un silence absolu sur tout le reste. » La prisonnière, interrogée à son tour, ne donna pas d'autres éclaircissements et se renferma dans les réponses qu'avait déjà faites son compagnon. « Cependant, monsieur le capitaine, » demanda le matelot, « comment allez-vous nous traiter? Nous ne sommes point des pirates, et vous n'abuserez pas, je l'espère, de votre force pour nous retenir ici malgré nous. Je ne sais qui vous êtes ni qui vous pouvez être. Votre silence rend au contraire très suspect tout ce qui vous concerne. En attendant, « je vais envoyer à mariner votre chaloupe et la faire mouiller sous le canon de ma frégate. »« Mais nous laisserez-vous regagner notre demeure flottante ?» Le capitaine réfléchit un instant. « Si vous êtes réellement seul dans cette embarcation, je n'y mettrai pas d'obstacle. Mais je vous garderai quelques jours en observation, et alors, selon vos explications, ou je vous aiderai de tout mon pouvoir, ainsi que de faire un marin, ou je m'assurerai de vous comme d'effronté vagabond. » « Dans moins de 3 jours, monsieur, je vous aurai donné à vous en particulier, à vous seul, la clé d'une énigme qu'il ne m'appartient pas encore de révéler. » Le prisonnier prononça ces dernières paroles avec une aisance admirable et fit à tout le monde l'effet d'avoir été élevé dans une classe distinguée de la société. Quant à la jeune femme, depuis que son sexe était avéré, elle n'osait lever les yeux. Une rougeur extrême s'était répandue sur son visage, et sa confusion même prévenait en sa faveur. Sur ces entrefaites, le grand canot de la frégate était allé chercher la chaloupe anglaise, où, à la vérité, on ne trouva personne, mais qui était approvisionnée et aménagée avec tant de prévoyance qu'il devenait évident que son expédition résultait d'un plan minutieusement combiné. Le capitaine renvoya cependant les prisonniers à leur bord et se contenta de recommander à ceux des officiers qui devaient être de service pendant la nuit de faire bien surveiller l'embarcation. Vers minuit, le ciel se couvrit d'épais nuages. Une pluie abondante et des grains se succédèrent sans interruption jusqu'au lendemain, et il devint impossible de voir ce qui se passait sur la rade. Quand le soleil reparut, la chaloupe avait quitté son mouillage, dont un petit coffret seulement occupait la place. Le capitaine l'envoya chercher, l'ouvrit et trouva le billet suivant. « Monsieur le commandant, le temps me favorise. Je fais le sacrifice de mon grappin et de mon câbleau, de crainte que de votre bord l'on ne m'entende appareiller. Les courants et les vents me porteront au large, et là j'établirai mes voiles tout à mon aise. J'ai mille remerciements à vous faire, car vous êtes conduit en galant homme en ne nous retenant pas sur votre frégate. Cependant, je ne me fierai pas de nouveau. Aussi, je pars en toute hâte, heureux d'être dispensé de vous faire une confession dont ma compagne n'était pas plus désireuse que moi. Si les hasards de la navigation nous rapprochent jamais l'un de l'autre, soyez sûr que je me ferai un plaisir réel de cultiver votre connaissance. En attendant, veuillez agréer les salutations de votre prisonnier de quelques heures. » Environ 10 ans après les divers événements que nous avons successivement racontés, dans une habitation peu distante de Fort-Royal à la Martinique, une discussion assez vive était engagée entre un riche colon et son fils, dans lequel on reconnaîtra l'un des officiers de la Dryade. « Ce sera toujours avec peine, disait ce dernier, que je vous verrai recevoir à votre table nos ennemis naturels. Il est déjà bien assez pénible pour moi de voir le pavillon britannique flotter sur notre île, sans qu'il me faille encore me trouver face à face avec des Anglais dans notre propre maison. Vos observations sont inutiles et vos préventions ridicules, monsieur mon fils. Les Anglais nous protègent efficacement. Et mon Dieu, que deviendrait sans eux notre malheureuse colonie? Je frémis en pensant au sort des infortunés habitants de Saint-Domingue. Du reste, je suis créole avant tout, et avant tout aussi maître chez moi. Vous, personnellement, qu'avez-vous à reprocher aux Anglais? Ne vous ont-ils pas accordé un sauf-conduit pour venir passer ici votre congé? Vous êtes libre sur tous les rapports, traité avec égard et comblé de politesse par le gouverneur. Sachez, monsieur, qu'un créole est toujours généreux et hospitalier et qu'il n'accepte jamais une invitation s'il n'a pas l'intention de la rendre. « Je n'en ai jamais accepté aucune, » répondit l'officier. « Vous, oui, mais moi, votre mère, vos sœurs, ne sommes-nous pas fréquemment reçus au gouvernement? D'ailleurs, brisons-la. À table, mes hôtes sont mes hôtes et rien de plus. Je vous engage donc à recevoir convenablement le capitaine et les officiers de la Saint-Maran. Je les connais depuis longtemps et j'ai toujours eu à me louer de mes relations avec eux. » Bientôt, à l'extrémité d'une rangée de cocotiers qui bordait l'habitation des Pointes, l'on vit apparaître les uniformes de 5 officiers anglais, dont l'un donnait le bras à une dame encore jeune. Un individu vêtu en bourgeois, mais dont le teint et la tournure laissaient assez deviner un vieux marin, marchait à côté du commandant. Il paraissait être du même âge que lui et tenait par la main un petit garçon de 8 à 9 ans, portant le costume de midshipboy, dont il semblait tout fier. Sa petite figure mutine avait trop de rapports de ressemblance avec celle de la jeune dame pour qu'on ne devinât pas au premier coup d'œil qu'elle était sa mère. L'habitant rencontra les combiers au milieu de l'avenue et tendit la main au commodore. Après les premières civilités, et lorsque le créole lui répondit aux questions d'usage sur la santé de sa famille, « Eh bien, mon cher Despointes, dit le capitaine anglais, vous le voyez, j'ai accepté votre invitation au pied de la lettre et j'arrive militairement à l'heure voulue avec tous ceux de mes officiers que j'ai pu vous amener. Depuis mon dernier voyage, mon état-major s'est un peu modifié. Je vous conterai tout cela quand nous serons chez vous. Mais d'abord, je vais vous présenter un vieil ami, un compagnon d'armes dont je vous ai souvent parlé. Voici sa fille qui est mariée à mon premier lieutenant, et ce luron que vous voyez là si content d'être à terre, c'est leur enfant, un amiral en herbe. Madame Despointes et ses filles firent avec grâce les honneurs de chez elle à la jeune lady et aux officiers anglais. Un instant après, l'on prit place autour d'une table décorée avec un grand luxe et couverte de mets somptueux. La galanterie ne permit pas à Albert de jouer le rôle maussade qu'il s'était proposé. Il se trouvait à côté de la dame anglaise, fit tous ses efforts pour être aimable et y réussit. Les officiers, enchantés de l'hospitalité créole, quoique ordinairement disposés à se vanter de leur prouesse nationale, n'osèrent cependant faire allusion aux guerres récentes, et la conversation s'animant par degrés, l'on parla de la navigation en général et des catastrophes de la vie maritime. « Vous savez, messieurs, que, comme vous, je suis marin, » dit Albert, prenant la parole à son tour. « Eh bien, je ne crois pas que jamais bâtiment ait fait, dans le courant de quelques mois, plus de rencontres bizarres qu'une frégate sur laquelle je naviguais il y a une dizaine d'années. » Après avoir longuement détaillé tout ce que nous avons rapporté du naufrage du Guardian, « par la plus singulière coïncidence, » ajouta-t-il, « la corvette, la Pearl, qui avait recueilli un canot de naufragés, entra dans la baie du Cap de Bonne-Espérance, précisément le même jour que moi. Quelques officiers se récrièrent sur ce fait étonnant, mais quatre des convives échangèrent entre eux des regards d'intelligence. « Vous me pardonnerez de vous interrompre, » dit le commandant anglais, « mais je voudrais vous adresser une question. » Albert s'inclina poliment et attendit. « Avez-vous jamais su ce que devint le Guardian ? Mais il coula, sans aucun doute. « C'est ce qui vous trompe, monsieur. Vous avez devant vous quatre acteurs de cette scène. Je suis le capitaine Butler. » Albert se leva brusquement comme épouvanté de cette déclaration et puis jeta un regard sur chacun des convives. « Ah ! » s'écria-t-il. « J'aurais dû reconnaître Monsieur Smith. » Et il alla serrer la main de l'ancien maître canonnier. « Et madame est cette Betty à qui nous ne sommes si fort intéressés à bord de la Dryade ? Je suis heureux, milady, de pouvoir vous exprimer de vive voix la sympathie que nous éprouvâmes pour vous. Vos malheurs nous attristèrent alors comme si nous vous eussions personnellement connus. » « Et monsieur, » ajouta le capitaine Butler, « monsieur Lord Falton, un passager du Guardian alors, aujourd'hui mon lieutenant sur la Samarang. » « Monsieur Albert, » dit Lord Falton, « je me rappelle aussi vous avoir rencontré dans une autre circonstance, et je crois que sans l'interruption du commodore, vous alliez... »« Ah, j'y suis, vous êtes mon prisonnier de l'Ascension, et vous, madame, ce joli mousse si intrépide et si vaillant et si timide aussi quand sa ruse fut découverte. »« Vous l'avez dit, monsieur, » répondit Betty, que le souvenir seul de sa présence à bord de la Dryade fit rougir comme autrefois. La glace était entièrement brisée. Tous ces Anglais qu'Albert redoutait tant de voir chez son père étaient d'anciennes connaissances, les héros d'un roman inachevé et racontés bien des fois, dont le dénouement arrivait par un rapprochement non moins bizarre que les précédents. Lorsque la chaloupe du Guardian avait été à perte de vue, Betty et Lord Falton restèrent ensemble sur la dunette, mélangeant de soupirs d'amour les regrets qu'il donnait à la vie. La jeune femme qui savait son père sauvé, mais loin d'elle, ne se trouvant plus placée entre le devoir sacré et son attachement pour le passager, se laissa aller sans contrainte à sa franchise naïve et ne cacha plus à son amant qu'elle serait prête à le suivre partout, si par hasard ils échappaient à la mort. Cette promesse, scellée d'un tendre baiser, leur procura encore quelques instants de bonheur. Le capitaine Butler fit un signe d'adieu et sans prononcer une parole, car la présence de Betty lui brisait le cœur, il se traîna jusque dans sa chambre et s'étendit sur son canapé. La fatigue, plus forte que la tristesse, vint lui fermer les paupières et il s'assoupit avec la conscience d'une mort prochaine et inévitable. Peu à peu, les bruits de l'orgie s'apaisèrent, les déportés, leurs ignobles compagnes et les gens de l'équipage, qui s'étaient livrés à tous les excès, tombèrent çà et là, pêle-mêle, et s'endormir aussi. Lord Falton et Betty furent les seuls qui résistèrent au pouvoir du sommeil. Rien ne put interrompre leur douce rêverie. Ils étaient transportés dans ces régions de l'infini où réside le véritable bonheur et dont les souffrances du corps sont impuissantes à faire redescendre les cœurs enivrés d'amour. Le Guardian, abandonné à lui-même par sa population de mourants, se sauva seul par une cause semblable à celle qu'il avait mis en si grand danger. Un bloc de glace vint fermer l'ouverture faite à ses flancs, et la mer ne fit plus aucun progrès dans son intérieur. Le lendemain, quand le capitaine ouvrit les yeux, il retrouva avec étonnement son navire encore à flot, et qui n'avait pas sensiblement coulé depuis la veille. Il ne parvint pas à se rendre compte de ce phénomène, mais ne désespérant plus du vaisseau, il réveilla tout son monde qui le seconda avec une ardeur facile à comprendre. En quelques heures, les pompes vidèrent toute l'eau que contenait la cale, et l'on découvrit à nu l'aspérité glacée qui avait préservé le navire d'une perte totale. Les charpentiers se mirent aussitôt à l'ouvrage, aveuglèrent la voie d'eau et rétablirent toutes les parties endommagées. En même temps, on construisit un radeau pour aller chercher tous les débris de la mâture, jusqu'alors négligés, et de ces restes mutilés, de quelques mâts de rechange restés à bord, on forma un appareil propre au moins à conduire le bâtiment jusqu'au port le plus voisin, qui était le cap de Bonne-Espérance. Lorsque le Guardian y arriva, la Dryade et la Pearl en étaient partis depuis quelques jours. Lord Falton n'avait pas oublié la promesse de la jeune fille. Il se procura en secret le petit sloop que l'on a vu en relâche à l'ascension, et les deux amants, profitant d'une nuit sombre et d'une brise favorable, prirent la fuite en laissant au capitaine Butler une courte lettre d'adieu. Le vieux commandant se livra à la plus violente colère, et certes, si le passager lui était retombé entre les mains, nul doute qu'il ne l'eût traité avec une cruelle sévérité. Au bout de quelques années de délire, pendant lesquelles les fugitifs coururent les mers avec des fortunes diverses, Lord Falton, cédant aux instances de Betty, revint à Plymouth à bord d'un trois-mâts dont il était devenu capitaine. Une substitution inespérée avait rétabli ses affaires sur un pied honorable. Il reparut avec éclat dans le monde où il avait tant brillé dans sa première jeunesse. La guerre, déclarée à la France, lui permit de solliciter d'entrer dans la marine de l'État. Sa naissance et ses hautes protections, car la fortune avait ramené le crédit, aplanirent toutes les difficultés et il obtint aussitôt le grade de lieutenant. Betty retrouva son père et lui rendit le bonheur par son retour. Il pardonna tout avec ivresse et du reste, l'épaulette de Lord Falton et la naissance du jeune Dick en étaient plus qu'il ne fallait pour que le vieux maître se réjouît de ce qui s'était passé. Il ne leur manquait que la présence du capitaine Butler. Enfin, celui-ci arriva des Antilles, où par de nouveaux succès, une intrépidité et un zèle infatigable, il venait de mériter le grade de commodore. L'on conçoit qu'après quelques reproches, uniquement pour la forme, il accueillit favorablement la requête de Lord Falton, qui lui demandait la place de second sur le Samaran. Quoique le vieux canonnier eût renoncé à la mer pour son propre compte, il ne voulut pas se séparer de ses enfants, et accepta avec empressement l'offre que lui fit son vieil ami de venir à bord accomplir une dernière campagne en amateur. Par suite de cette position indépendante, Maître Smith vivait tout à fait avec le capitaine et n'exerçait aucune autorité dans le bâtiment. Il passait son temps à critiquer la tenue de l'artillerie, donnait des leçons de marine à son petit-fils, ou bien encore entamait avec son ancien camarade d'interminables dissertations sur des points de manœuvre ou de canonnage. Enfin, le projet de ces deux navigateurs était de se fixer ensemble sur la terre dès que la frégate serait de retour à Plymouth. Quand les officiers anglais eurent achevé ce récit, souvent interrompu par les divers convives, ils prirent congé du créole et de sa famille, mais Albert voulut les escorter jusqu'à l'embarcadère. « Enfin, commandant, dit-il, que devint donc cette fameuse Mrs. Fley, si tenace, si terrible, conduisant les convicts à la révolte et ne cessant de prédire des calamités ?» On était alors sur le pont de la Savane, où le canot de la Samaranque se trouvait accosté. Attendu que la sévère punition du vice ne laisse pas que d'être fort édifiante, et qu'il faut une moralité à toute bonne histoire, dit Lord Falton en riant, et répondant à la place du capitaine, le sort de Ketty pourra ce soir en servir à nos aventures. Et vous verrez quelle fin on doit avoir dans les prédictions des sorcières. Au moment fatal, Satan ne vint guère en aide à la nôtre. « Eh bien ?» demanda encore l'officier français. « Eh bien, répondit le commodore Butler, je la fis pendre au bout de la grande vergue, où sa maudite carcasse se balança jusqu'à l'arrivée au cap de Bonne-Espérance. » À ces mots, les Anglais s'assirent dans leur embarcation en saluant Albert pour la dernière fois. Les rameurs laissèrent couler les avirons et firent jaillir en paillettes l'eau phosphorescente de la rade. Puis, se courbant par un mouvement simultané, ils imprimèrent une forte impulsion au canot, dont une large ligne argentée indiqua la trace jusqu'au moment où il accosta la frégate. 11 heures du soir tintèrent alors à bord de tous les navires de guerre, et Albert entendit les sentinelles anglaises se répondre successivement par le cri réglementaire « All is well, all is well, tout est bien ». Ainsi s'achève « La fille du maître canonnier, Gabrielle de la Landelle ».